faut que ça braille d'Alger jusqu'à Ryan. Je viens de cette rue où la plupart smoke, touche le smic ou entre sneak. Je viens de cette rue où la plupart ont le nez plongé dans de la poudre blanche, ou au premier venu ça bon. Je viens de ces bâtiments qu'on rénove même pas, et quand on demande quelque chose ils refont même pas. On suit les mêmes pas que nos grands frères, sauf que nous on freine pas comme les califs, on lâche pas même si on me qualifie de lâche pas. Boulevard Branly de lâche pas, de lâche pas, de lâche pas. Je viens de cette rue où des frères tournent, nous font le rappel et disent qu'on va tous canner et que c'est à Dieu qu'on va retourner. Je viens de cette street où le maire est strict. Je viens de cette street où sur mon rap on mise. Où trop de comportements sont bizarres. Trop de comportements sont bizarres. La bouche on n'est pas constipé, on a la langue bien pendue. Quand on m'écoute je veux pas qu'on dise il est constipeux. Guette comment nos sons se sont répandus, et pour représenter on fait ce qu'on peut. La bouche on n'est pas constipé, on a la langue bien pendue. Quand on m'écoute je veux pas qu'on dise il est constipeux. Guette comment nos sons se sont répandus, et pour représenter on fait ce qu'on peut. Je viens de cette rue où les jeunes ont des barres sur leur lit, et des putes qui leur donnent la barre sur leur lit. De toute façon leur dit, je viens de là où il y a trois tours. On est deux pour le départ, faut pas qu'on se sépare, ni qu'on s'égare. Mais c'est pour ces gars qui font du bruit avec la France dans la forêt. On fait du bruit comme les forains, nous deux on te laisse sur la voie ferrée. Et tu fais rien. Je viens de cette rue où les jeunes font l'affaire, et ils sont fous d'affaires, et niquent les faux frères. Et je lève mon doigt le plus long pour le maire de Toulon, pour monsieur. Avec sa zancha, ça sent que ça va péter. Et pour nous ce jour-là, ça sera la fête. Demandez à vos potes là où on vit. Du luxe, on en a envie. Dédicace aux refs qui sont plus en vie. Demandez à vos potes là où on vit. Du luxe, on en a envie. Dédicace aux refs qui sont plus en vue. Je suis pas le meilleur, mais je sais me débrouiller. On m'a sous-estimé en disant que j'avais pas rappé. Donc faut que je sorte le grand jeu, comme un Runestar des grands jeux. Premier round face aux stars, la rue est telle comme on la voyait. Je suis vu comme un voyou, je me souviens, ceux qui se marraient de nous coupler sur mon palier. Aujourd'hui, ces mecs m'appellent le meneur, toujours précis pile à l'heure. Comme AZ, un rap de destructeur. À l'heure où je parle, des mecs s'entretuent. Fallait que je te dise, cesse de teaser, tu vas finir par te briser. Fallait que je te dise, mais t'es parti trop tôt au refrain, et c'est pour toi, mec. Ouais mec, la bouche on n'est pas constipé, on a la langue bien pendue. Quand on m'écoute je veux pas qu'on dise il est constipeux. Guette comment nos sons se sont répandus, et pour représenter on fait ce qu'on peut. Demandez à vos potes là où on vit. Du luxe on en a envie. Dédicace aux refs qui sont plus en vie. Demandez à vos potes là où on vit. Du luxe on en a envie. Dédicace aux refs qui sont plus en vue. Kaika. Makias, Bella ACKB, Karim Fokke, Black Shark, Échec et Mat, expert pour les bavards, Samar Mandrico Boulevard, pour ceux que j'ai oublié, cousin, pour Aaron Star Adams, Roger, MGS Collectif, Simpif, pour Mokhtar Ricard, pour les nôtres, cousin, pour les nôtres. Street 8ème.